Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 22. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح ما يسمى بمراتب القدر فذكر الأولى ما هي الأولى العلم العلم بماذا ما الدليل على هذه المرتبة؟ ما في السماء والأرض أحسنت هذا أو هذه المرتبة الأولى هذه المرتبة الأولى أن الله سبحانه وتعالى الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء الثانية ما معنى الكتابة؟ أن الله عز وجل كتب كل شيء في الكتاب المحفوظ أو في اللوح المحفوظ أحسن ما الدليل؟ من قبل أن نبرأها أحسنت إلا في كتاب ومن السنة ما الدليل من السنة؟ أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ لما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة الحديث وشيخ ابن عثيمين إلى سيتي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق المرتبة الثالثة ما هي؟ ما معنى المشيئة؟ أن الله يفعل ما يشاء لا يكون شيء إلا بإرادة الله عز وجل ما الدليل على هذا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر الرابع عند من؟ المرتبة الرابعة الخلق ما معنى الخلق؟ أن الله خلق كل شيء أن الله عز وجل خلق كل شيء ما الدليل؟ الله عز وجل خلق كل شيء فقدره أحسنت قال الإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذا واضح الآن في هذا الكون سي الله كي لك خير الخير والشر سي الله كي لابولي كونا الخير والشر لكن ابن قدامة الآن رحمه الله يسيت لا ريبونس ست شبهة أن بعض الناس قد يقولون سيشفي دي معاصي فسبي القدر أو سيجدلسون أوبليغاسيون فسبي القدر فقالوا ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه أي فعل المعاصي فالقدر سبا إن حجة أي تفي سكو تفي أو تدلي سكو تفي ثم تبخطان كس القدر كما نطا من بعض العامة بعض العوام أصلحهم الله يفين معصية ستلنصح يدي قدر الله أي يحتج بالقدر Il prend le qadar comme si ça lui permettait ou ça l'excusait pour sa ma'asiyah. وهذا كما قال ابن قدامة رحمه الله صفة صحيحة، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا أبدا، بل أنت أيها المؤمن مأمور بفعل الطاعات وترك المنهيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tu dois faire autant que tu peux les obligations et tu t'écartes des interdits. Amma, tu prends comme excuse anna c'est le qadar, que anna que t'as pas le choix. هذا on va voir, c'est min afkar wa min aqaid al-mubtalin. Min aqaid al-jahmiyya, comme on va voir. Fa hadha al-bab il est muhim. Qala Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, al-qadar laysa hujjah للعاصي على فعل المعصية. نعم. أي si tu fais une معصية tu peux pas prendre comme excuse c'est le qadar. بل celui qui fait une معصية يتوب إلى الله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي كلها مخلوقة لله كما سبق. ما من فعل تفعله أو عمل تعمله إلا وهو مخلوق. Comme on a vu auparavant, tous tes actes, les actes de l'être humain, bons ou mauvais, ils sont créés. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allahu khalaqakum, il a créé l'être humain, wa ma ta'amaloun. Et ce que vous faites, kadalik, c'est créé. Ta parole, elle est créée. Tous les actes que tu fais, ils sont créés. T'es un bachar. Les anna anta t'es créé et tes sifat, elles sont créées. فالله خلق الإنسان وخلق عمله. نص الآية في سورة الصافات والله خلقكم وما تعملون. سواء أنك بون طاعة أو une معصية c'est créé. الآن بعض الجهال ils ont pas compris à partir de là أن tes œuvres elles sont créées. Allah il les a écrits avant que tu naisses. Tes œuvres c'est بمشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتو سبع الناس ils ont pas compris. Ils ont dit il fait une معصية هو خلاص il a une excuse. Il dit c'est le قدر. قال ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية وذلك لأدلة كثيرة منها. الآن il va montrer لماذا القدر c'est pas une حجة. لأمور. قال الأول أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له فقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. نعم لأن القول أن تفلشوا أو بعض الناس يفضي معاصي يديز القدر ça ça implique أن la personne il est forcé والعياذ بالله. شيخ ابن عثيمين il te montre أن العمل que tu fais les œuvres que tu fais elle est مضافة إليك c'est ton عمل. Et ce amal il est biqadar illah. Il n'y a pas de contradiction en fait. قال عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. يوم قيامة tu rendras des comptes par rapport à tes œuvres. Ça ne serait pas tes œuvres, tu ne vas pas rendre des comptes. Les madas, tu vas rendre des comptes sur une chose que tu n'as pas faite. Ça c'est min al-dhulm. ولا يظلم ربك احد. فهذا اولا. هذا اولا ان العمل ينسب الى الشخص. On dit maintenant, Fulan il fait le salat. Inch'Allah, s'il est sincère, il sera récompensé. Là, c'est son amal. C'est lui qui l'a fait. Bien sûr, c'est bien qadar illah. Lakin, c'est avec la volonté de la personne. Ça, le premier point, anna le amal, yunsab ila shakhs. Si c'est khair, bi'idnillah, il est récompensé. Si c'est char, Inch'Allah, il est châtié. Hada, le premier point. Qala al-thani anna Allah amar al-abd. ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم أي الآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم. قال ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف. الفعل c'est l'action, tu l'as fait. الكف c'est tu l'as fait pas, tu t'abstiens. قال لأن المجبور لا يستطيع التخلص. الآن يا مهم pourtant qu'il faut comprendre c'est مجبور مفعول من الجبر. مجبور على وزن مفعول من الجبر. فلان أجبر على كذا أي لفخصي. C'est pour ça qu'il y a une secte elle s'appelle الجبرية. Ceux qui disent que la personne il n'a pas le choix il est forcé. قال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله نبوزا أكتنا إلا سوف سيلا لا كاباسيتي. فالآن هذا القول أنه نبال شوى فسكتخد إلى آية، لأن الله سبحانه وتعالى يتغضن دفير أناك أو يتغضي دفير المعصية إلا ست القدرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما هؤلاء الآن يفوض معاصي إيديز القدر كأنه إلي فخصي. أين قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ الآن تنتخند أو تنقول إلى أمبلك كالله سبحانه وتعالى إلي أنجست وفيغتوى. وهذا سان كلام خطير، لأن الله سبحانه وتعالى إلي با أنجست أبدا. C'est la personne qui dit qu'on c'est lui qui est injuste. Il a fait des maasi, il a des faiblesses. Tumma, son injustice, il dit c'est pas de ma faute, c'est le qadar. Ça c'est ayn al-dhulm. Enfin, les deux premiers qawl, haqiqa, ils se ressemblent. Ça implique que la personne il est forcée. Allah il lui a ordonné de faire des choses alors qu'il est forcé. Comme une ayat, faire la salat, aqimu salat, ou zakat, on doit s'écarter du shirk, tout ça. Et en fait, on n'a pas le choix. Pourquoi tous ces ordres? Si tu n'as pas le choix, il n'y a pas d'ordre. Al-Mukra, il n'est pas pris en compte. Matalan, Wahed, comme on a expliqué Kathir, il te force à te prosterner à une statue. Fiyad al-Hal, un tatakra hada. Lakin, il veut te tuer, il te menace. Même si tu fais ce sujoud, Matalan, à cette statue, et ton cœur, il est mutma'in bil iman, la yadurruk. Prise en compte, il y en a des moukras. Amma, une personne, il a le choix. Personne ne le menace. Il va en face de statue, en face d'une statue, il fait ce jour. Il dit c'est le qadab. Attends, c'est un kafir billah, azza wa jal. Léana, nahnu, on lui dit fais pas ce sujoud et c'est le qadab. Amma, ba'dan nas, ils font des maasi. Il emmène son nefs à sa perte et il dit c'est le qadab. On lui dit nahnu, fais le khair et dit c'est le qadab. Qala thalit, anna. كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري. On revient toujours à الجبر. الإجباري, ça vient de الجبر. الاختياري, ça vient de الاختيار. فشيخ ابن تيمين يقول أن كل واحد, tout le monde, fait la différence entre العمل الاختياري والإجباري. الاختياري مثلا, t'as envie de te lever l'an. Si tu décides de te lever, tu te lèves. Le fait que tu t'es levé, c'est bien qadar illah. Lakin, t'as un amal, t'as une volonté. Ta volonté, elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Had akhtiyar. Qala anna kulla wahidin ya'lam al-farq bayna al-amal al-ikhtiyari wal-ijbari wa anna al-awwal yastati' al-takhallus minh. Al-ikhtiyari, t'as une volonté. Amma le cas qu'on a dit, mathalan, t'es mukra. T'es prisonnier عند الكفار. Ils te disent maintenant, tu fais pas salat. Tu fais salat, on te tue. Fiyad al-Hal, tu fais pas, tu fais ton cœur. Ils disent, si tu te mets debout, tu fais un recours, on te tue. Fiyad al-Hal, il y a un ijbar, il te force. Fiyad al-Hal, tu la fais pas, tu la fais dans ton cœur. Tu récites, tu fais tout dans ton cœur. Assis, wa inshallah yakfik. Il y en a dans ce hal, t'as plus le choix. Et il y a un darar, il est plus grand. Si personne te menace, Falimada, tu ne feras pas cette ibada. Si tu ne la fais pas, c'est que tu rendras des comptes. Amma wahid, il ne la fait pas, il dit c'est le qadar. La, abadan. Qala, anna kulla wahidin ya'lam al-farq bayna al-amal al-ikhtiyari wal-ijbari wa anna al-awwal yastati' al-takhallus min. Na'am, fa y'a un farq. Lakin, tu rendras des comptes, yawm al-qiyama, sur l'a'mal al-ikhtiyariya. Est-ce que tu as adoré Allah seul? Est-ce que tu t'es écarté du shirk? Est-ce que tu as fait salat? Est-ce que tu as fait zaka? Tout ça, Allah, il te demandera des comptes. Les Anna, tu avais le choix. Amma, on te demande des comptes sur une chose que tu n'as pas le choix, c'est de l'injustice. Enfin, ça montre que Qawl al-Jabriya, ceux qui disent que la personne il est forcée, enfin, ça montre Anna, c'est un sou'adhan billah. Et c'est un ta'am fi Rabbil Alameen. Azza wa Jal. Qala al-Rabi'a. Quatrième point. أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك. هذا سان بوان مهم. Ça c'est un point essentiel. لأن cette personne qui va faire cette معصية avant de la faire, il sait pas le qadar c'est quoi. فالآن ستعاصي avant de faire la ma'asiyah, il ne sait pas c'est quoi le qadr. Peut-être que lui, il a envie de boire de l'alcool. Allah, il n'a pas décrété, il va mourir. Il meurt avant. Maintenant, on dit à ce asi, avant de faire cette ma'asiyah, ne la fais pas, rejette-la. Inch'Allah, remplace-la par quelque chose de bien et fais-le, et après tu dis c'est le qadr. Il joue avec ça. Il fait la chose, tout le monde dit c'est le qadr. Nous, avant de la faire, ne la fais pas. Tout le monde fait du khair et dit Alhamdulillah, c'est le qadr. Il dit il fait le tariq al-khata. Il fait des erreurs, tout le monde prétend le qadr. Alors qu'avant de faire l'erreur, il ne connaissait pas le qadr. Une fois que tu as fait cette erreur, Tumma, on a su que c'était le qadr. Allah, il avait écrit Ada. Lakin anta, pourquoi tu l'as fait? Fais du khair et puis dis c'est le qadr. Qala alaysa min al-ahra an yasluk tariqa as-sahih wa yaqul hadha ma quddira li. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit le mieux, le plus profitable pour la personne, il fait du khair. Tumma, dès qu'il fait du khair, il remercie Allah. Et alhamdulillah, sa aqida, c'est que tout ce qu'il a fait, c'est min al-qadr. Inch'Allah, yom qiyama, il est gagnant. Hada. Amma, tu vas aller où, yom qiyama? Et t'as fait plein de ma'asi, ou l'ayadu billah. T'as fait plein de ma'asi, et yom qiyama, tu te prétends qadar. Ça ne te sera d'aucune utilité. Abadan, li'anna Allah, il est juste. Azza wa jal. Cinquième point. Al-Khamis, qala anna Allah, akhbara, annahu arsala ar-rusula, liqat'i al-hujjah. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. نعم ساس ان بوان مهم كذلك ان الحجة اي لا فيريتي ال parvient à l'insan avec les رسل. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. La personne il est excusé tant que la preuve lui est pas venue. قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يشتغل بيرسون tant qu'il lui a pas montré la preuve avec les messagers. انت si le message d'un messager était parvenu الحجة قامت. T'as pas le droit de dire je savais pas. Là tu sais le messager t'a montré. الان هؤلاء الضلال ils disent eux الحجة c'est le qadr. Al-Hujja pour eux, c'est le qadar. Si le qadar, il t'a été décrété que tu allais faire des ma'asi, enfin, tu n'as rien à voir. Tu fais des ma'asi et tu n'avais pas le choix. Ah, ça montre que l'envoi des messagers, pour eux, il est inutile. Même si le messager te montre, maintenant, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré maintenant l'alcool, c'est interdit. Al-Zina, c'est interdit. Al-Shirk, c'est interdit. Al-Riba, c'est interdit. Inda ha'oula, tout ça, ce n'est pas une preuve. Lianna, le qadar, il fait ce ma'asi, après il dit le qadar. Elle est où l'utilité des messagers? C'est un qawl khatir. Qawl al-jabriya, c'est un qawl khatir diddan. Ta'til al-sharia. Ce qawl, il n'y a plus de din. Tout le monde fait ce qu'il veut. Celui qui fait salat, il fait le hajj. C'est un mouahid, c'est un sunni. Il n'avait pas le choix, il est forcé. Indahum. Celui, c'est un alcoolique, c'est un meurtrier, il fait zina. Il n'a pas le choix, miskin. Les deux, en réalité, ils sont pareils. Indahum. Lui il est forcé de faire le bien, lui il est forcé de faire le mal. Même celui qui fait du bien, il a été forcé. Vous avez vu ce qawl comme il est grave. Ce qawl al-jabriya. كذلك هؤلاء الجهال تأثروا بأهل البدع لا شك. لكن كذلك c'est une مسألة في الحقيقة فيها هوى كثير. حقيقة c'est les passions هذا. لأن pour lui الصلاة والحج والزكاة tout ça pour lui c'est lourd. قال عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بالمكاره. صحيح طريق الجنة il est pas simple sauf pour celui qu'Allah facilite. أما il faut combattre ta هوى. Al-Zakat, tu dois sortir ton argent. Al-Salat, 5 fois par jour, tu dois te lever le matin, tu dois aller au masjid, tu dois. Al-Hajj, tu dois voyager, tat'ab. Enfin, Ba'd al-Nas, vu que leur passion, il ne peut pas faire tout ça, il rejette avec le Qadr. Il ne fait pas mettre al-Hajj ou il ne donne pas Zakat, tu le conseilles. Il dit, ya akhi, c'est le Qadr. Si tu prends le côté dunyawi, maintenant il a un téléphone. Il a un téléphone, tu lui prends son téléphone. Automatiquement, il va dire rends-moi mon téléphone, tu lui dis c'est le qadar. C'est le mien. C'est le qadar. Thomas, tu lui mets un coup, c'est le qadar. Il n'a pas le droit de répondre. Non, c'est le qadar. Il ne va pas dire c'est le qadr, Al-mas'ala, c'est mas'ala dunya. Ou, Cheikh Ibn Uthaymeen, il donne un autre exemple. On l'avait vu à Adaf al-Usul al-Thalat avec les frères. Une personne, il se présente pour un emploi. Le patron, il lui propose deux salaires. Il lui dit, si tu veux, je te donne 1000 euros. Si tu veux, je te donne 2000. Mais on lui dit, prends 1000 euros, c'est le qadr. Prends 1000, c'est pas grave, c'est le qadr. Il va dire là. Il va dire là, là, je prends 2000 et c'est le qadr. On lui dit, kadhalik, égare-toi du ma'asi, prends le meilleur et c'est le qadr. Lakin, c'est mas'alat dunya, faqat. C'est pour ça que tu trouves as-salihoun, ahl sunnah. Abadan, tu le verras, il joue avec ces choses. Abadan. Et alhamdulillah, ahl sunnah, c'est les gens les plus éloignés de la hawa. Amma ba'd an-nas hakada. Prends l'exemple, kadhalik, du travail. On lui dit, nous, cherche pas de travail, reste chez toi, c'est le qadr. Comme tu fais, tu vas pas au masjid, tu fais pas salat, tu fais pas le hajj, tu restes chez toi. Kadhalik, le travail, c'est le qadr, reste chez toi. Reste chez toi, si y'a le qadr, l'argent va venir. Il va dire là, faut faire des causes. On lui dit, kadhalik, fait din, il faut faire les causes. Al-haqiqa, haoulas de johal. Shaitan, Iblis, il joue avec eux, faqat. Amma hada al-qawl, il est ba'id jiddan. Anna marra wahad, il a volé. Il a volé fils Zaman Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il a voulu appliquer le had. Ah, il lui coupe la main. Enfin, ils ont emmené cette personne. Et Omar ibn Khattab, il lui a montré, on va te couper la main, t'as volé, kada, kada. Al-Rajul, il a dit, « Ya Amir al-Mu'minin, Anna, j'ai volé, c'est... Qadr Allah alayya hada. » Et Allah, il a décrété hada. Il a voulu prendre comme excuse, c'est le qadr. Omar, il lui a dit, « On va te couper la main du qadr. » Ça y est. Tu prétends le qadar, on va te couper la main, c'est le qadar. Il est où le problème? Et Inch'Allah, on verra plus de détails dans At-Tadmouriya. At-Tadmouriya, c'est un kitab azim, dit-il. At-Tadmouriya, rahimahullah, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il a partagé le livre en deux. La moitié est sur les sifat, ce qu'on a vu là, le début du livre. La dernière moitié, c'est sur le qadar. Son livre, il a fait en deux parties, les sifat d'Allah et le qadar. Et il a détaillé. Inch'Allah, on fera en détail. Amal an, si t'as compris hada, fa, alhamdulillah. Qala l'imam ibn Qudama, rahimahullah, wa na'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati' lil-fi'l wa al-tark. Hada, c'est muhim. Lianna al-qaw, ils n'ont pas compris. Huna. Pour lui, c'est écrit, t'as pas le choix. Nous, on lui dit non. Pour lui faire comprendre, attends, tu peux lui donner un exemple. Al-Majnoun. Majnoun, c'est une personne, il n'a plus ses capacités mentales. Avec une personne normale. Là, chaque, ils n'ont pas la même compréhension, ils n'ont pas le même niveau. C'est pour ça que le Majnoun, vu qu'il ne comprend pas, قال عليه الصلاة والسلام حديث علي رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق. المجنون tu peux pas lui dire fais ça, ne fais pas, il comprend pas, il a pas la raison. هذا الآن il a pas les capacités mentales. أما أنت tu comprends le kalam, tu comprends, tu sais le bon le mauvais, t'es obligé. Est-ce que tu fais ça bien le qadar? كذلك l'enfant. Pourquoi l'enfant il n'est pas pris en compte avant un certain âge? Il y en a au début, un an, deux ans, jusqu'à un certain âge, il n'a pas ses capacités mentales. Allez, un enfant maintenant il fait quelque chose, il n'est pas pris en compte. أن الله عز سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على المعصية ولا اضطره إلى ترك الطاعة ترك طاعة نعم c'est pour ça que الله سبحانه وتعالى من حكمته ومن عدله le مجنون il est excusé لأنه il n'a pas la capacité. الله il ne va pas le juger sur une chose qu'il n'a pas la capacité. أما أنت t'as tes capacités mentales, tu peux faire, tu sais le bon du mauvais, tu auras des comptes à rendre. Al-Jabri, pour lui, un majnoun et un homme normal, c'est pareil. Toi, tu sais pas ce que tu fais, toi, tu sais pas ce que tu fais. Toi, tu n'as pas le choix, toi, tu n'as pas le choix. C'est la même chose. Wal-iyadu billah. قال الله تعالى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا تظلم لا ظلم اليوم وهذه الايه المطلق اليوم تجزى كل نفس بما كسبت بما كسبت اي ce qu'elle a fait si c'est bon des hasanat si c'est des choses mauvaises des sayiat et le shirk والعياذ بالله il lui annule tout toutes ses hasanat. هذا الآن الله سبحانه وتعالى va juger chaque personne هكذا. قال عز وجل لا ظلم اليوم. أما الجبري هو il dit si t'as fait salat, t'as fait le hajj, t'es un salih, t'es au même niveau que le mujrim, qu'a tué, qu'a volé, qu'a fait zina, qu'a fait du shirk. لأن t'avais pas le choix, il avait pas le choix. هذا c'est عين الظلم. Toi t'as fait des efforts des années t'as éduqué tes enfants, t'as éduqué ton nefs, t'as fait des sacrifices, il est entre alcool, zina, il tue, il fait du shirk, et vous êtes pareil. Aïna qu'Allah, la zulm al-yawm. Allah, il a dit la zulm, il n'y a pas de zulm, il n'y a pas d'injustice. Ibn Qudama fadalla ala anna al-abd fi'lan wa kasban yujza ala hasabihi ala hasanihi bis-sawab wa ala sayyihi bil-iqab wa huwa waqi'un biqada'illah wa qadarih. Tout ça c'est biqada'illah. Tout ça, ça a été décrété avant la création des cieux et de la terre 50 000 ans. Lakin anta, tu sais pas. Maintenant, anta al-an, si on te demande est-ce que tu vas mourir ala al-kufr wa al-iyadu billah ou ala al-islam, on demande à Allah qui nous fait mourir à l'islam. Mais on n'a pas de certitude. Fais des efforts, Allah il est juste. Fais des efforts, Allah il te guidera. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Nous, on doit bien comprendre أن القدر, le destin, c'est سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. Si tu viens l'an à trop te poser de questions, tu vas t'égarer. Fais توكل على الله دمض الله التبات والسداد إن شاء الله تسوغا قنر لأن القدر سي سر الله السر سي السكرة يا دي شوز تكون خد غبا يا دي شوز تغيب غبا كون خد فأنت فأ توكل على الله إن شاء الله تدخل غاك جدو تو سا سا تغن طول دي صفات سي تسي كالله إلى العد إلى العلم إلى القدرة تو سي صفات بإذن الله سوف تبلي لماذا لأن تسي كالله إلي با أنجوز قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل. الله il a créé ton œuvre et en même temps tu as une volonté. بعض الناس ils n'arrivent pas à rassembler ces deux choses. Il dit si Allah il a créé, il a décrété, فانا j'ai plus le choix. ابدا. Tu as le choix et Allah c'est lui qui l'a créé. قال الشيخ ابن عثيمين عرفت بما سبق ان فعل العبد مخلوق لله. نعم. والله خلقكم وما تعمل وأنه كسب أو أنه كسب للعبد يجاز عليه الحسن بأحسن الحسنة بعشر أمثالها. قال والسيء بمثله فكيف نوفق بينهما. أولا ستنطخ رحمة الله سبحانه وتعالى إن حسنة الله سبحانه وتعالى يتعمل شبلي باردس إن لتي قرآن تلي تدي حسنات سبوا على بلس. Ça peut aller jusqu'à 700 comme dans le hadith. Et As-Siyam, c'est Allah, il le récompense comme il veut. Ça, ça te montre rahmatullah. Une hasana, elle est multipliée par 10, par 100, et ila masha'Allah azza wa jalla. Une sayya, yani le châtiment par rapport à cette sayya. Si Allah il veut, s'il veut, il pardonne. Ça, ça montre rahmatullah. Les bonnes choses, t'es récompensé, multiplié la récompense. Les mauvaises choses, Allah il peut te pardonner, sauf shirk. Même s'il ne te pardonne pas, tu seras châtié par rapport à ce marsir. Ça ne sera pas multiplié. Ça, awalan, la personne, yahmad Allah subhanahu wa ta'ala. Qala at-tawfiq baynahuma. At-tawfiq, c'est le fait de rassembler deux choses. Comment on comprend en Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé, et en nous, on a une volonté de faire, alors que c'est déjà écrit. Qala sur mon daymi. At-tawfiq baynahuma anna waj kawun fi'l al-ad makhlouqan lillahi ta'ala amran. Deux choses. أن فعل العبد من صفاته والعبد وصفاته مخلوقا لله تعالى أولا. Tu dois avoir aucun doute que les œuvres de l'être humain sont créées. لأن l'être humain est créé, tout ce qu'il fait c'est créé. والله خلقكم وما تعمل. الله سبحانه وتعالى c'est خالق, il n'est pas créé, أبدا. Toutes ces صفات elles ne sont pas créées. لأن les صفات elles suivent الذات. Les صفات تابع للذات. Enfin, nous, on est des êtres humains, on est créés. Nos sifat, elles sont créées. هذا أولا. قال الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله. T'as une volonté. إن شاء الله, t'as la volonté de faire صلاة الظهر. Cette volonté, elle est créée. La volonté d'être humain, pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une volonté. Elle n'est pas créée, abadan. Anta farriq déjà, avant de rentrer dans le sujet, farriq entre celle-là et celle-là. Qala walladhi khalaqa hadhihi al-irada. Iradat man? Iradat l'insan. Qala wal qudra. Ay qudra l'insan, huwa Allah ta'ala. Qala wa khaliqu as-sabab. Khaliqu lil-musabbib. قال فالنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشرة، لأن المباشر حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فالكل من النسبتين اعتبار والله أعلم. تدشز مثلا une personne qui veut faire salat. On prend l'exemple عمل الصلاة. T'as deux choses. T'as ta volonté, la volonté de la personne, elle est makhlouqa, elle est créée. Il veut faire quelque chose. T'as une deuxième chose, c'est que c'est Allah qui a créé ce amal. Le fait que tu veux faire salat, tout ce que tu vas faire, c'est Allah qui l'a créé. Enfin, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Le amal, c'est Allah qui l'a créé, qui l'a décrété, et Allah il t'a donné une volonté, et toi, si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne le fais pas. Quand on dit veut, c'est pas que tu as le choix. Là, on parle de ta volonté. Ama si tu fais pas, tu es à la khatar. La personne est en danger. Là, qui t'as le choix. Maintenant, comme il y a des gens, ils font pas le salat. Yom Qiyama, ils auront des comptes à rendre. Comme il y a des gens, ils font le salat. Inch'Allah, s'ils sont sincères, Yom Qiyama, ils seront récompensés. Ça, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Abadan. Inda Ashab al-Fitra Salim. Qala Shoum Nodaymin. المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم. Dernière مسألة أو avant-dernière مسألة. Cheikh Ibn Taymiyyah il va citer les groupes égarés في القدر. Il y a des personnes qui se sont égarées. Et on les a cités نحن في الشر. Surtout le Jabriya. قال المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفة. نعم il y a deux groupes, deux extrêmes. Et il y a un juste milieu à la Sunna, la Aqidah qu'on a étudié. Le premier extrême, قال الطائفة الأولى الجبرية. Ça vient de l'jabr. Aïe, ceux qui disent que la personne, il n'a pas le choix, il est forcé. قال يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك ونرد عليهم بأمرين. Eux, ils disent, أن la personne, il n'a pas le choix. Eux, ils ont compris, إن كل شيء خلقناه بقدر, t'as pas le choix. Il donne le métal, t'es comme une feuille qui tombe à un arbre, elle est secouée par le vent. Un coup à droite, un coup à gauche. Anta te hakada. Demain, tu peux faire des ta'at, t'as pas le choix. Après demain, tu peux t'égarer, t'as pas le choix. Wal'iyadu billah. Qala wa narud alayhim bi amrayn. On répond à ces gens-là avec deux répliques. Al-oula qala anna Allah adafa amal al-insan ilay. Wa ja'alahu kasban lahu yu'aqab wa yuthab bi hasabih. ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولو كان ولا كان عقابه عليه ظلما. أولا شيخنا تيمين يدي أن l'œuvre c'est ton œuvre à toi. C'est pour ça que tu ne seras jamais jugé sur les œuvres d'un autre. كذلك toi si tu fais des bonnes œuvres tu seras récompensé. Si tu fais des mauvaises œuvres tu risques d'être châtié. Celui qui fait du shirk il est châtié sans aucun doute. Si meurt à la dalle. الآن ce châtiment vu que la personne il est forcée, c'est de l'injustice. Et on a dit, on a cité quand Allah Azza wa Jal, la dhulma al-yawm. La dhulma al-yawm. Il n'y aura pas de dhulma yawm qiyama, abadan. Il y en a, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui jugera. Il n'y aura pas de dhulma. Enfin, le premier qawl, ça montre, sur dhulma billah Azza wa Jal. Al-thani, anna kulla wahidin ya'rif al-farq bayna al-fi'l al-ikhtiyari wa al-ittirari. Comme on l'avait appelé, l'ittirari, l'an, avant, il a un deuxième nom. الفعل الاختياري والاضطراري الى ان دوزيام نو سي كوا تفضل عندما الاجباري بالياء الاجباري الى بيرسيال اضطراري الاضطرار الفد فخسي قال والاضطراري في الحقيقه والحكم فلو اعتدى شخص على اخر وادعى انه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضروره سي ليكزامبل كون ا دوني توت ا لور. Tu viens vers une personne, tu lui mets un coup sans aucune raison. Il va te dire, ya akhi, pourquoi tu me tapes? C'est le qadar. Cheikh Ibn Taymiyyah, il a dit, si une personne elle fait ça, il va être qualifié de safi. Il tape les gens, il prétend le qadar. Ma baluk fi haqqillah. Il délaisse salat. Il délaisse tawhid, il délaisse le hajj, il délaisse. Il dit, c'est le destin. Wal'iyadu billah. Enfin, les deux réponses qu'on a vues dans le chat. Hada, al-jabriya, inshallah, c'est compris. Al-jabriya, précisé. C'est le Jahmiya. Al-Jabriya, c'est l'Aqidah. Ceux qui l'ont propagé, c'est Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, leur Aqidah fil Sifat, c'est le Ta'atil. Et leur Aqidah fil Qadar, c'est le Jabr. Al-Jabriya, هم الجهمية. قال الطائفة الثانية القدرية. القدرية, هم المعتزلة. القدرية, c'est le Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ils ont cette Aqidah fil Qadar. Deuxième extrême. On a compris Aqidat Sunna, Ahl Sunna fil Qadar. On a compris le premier extrême, Al-Jahmiya. Ils disent t'es forcé. Al-An, vous allez voir un extrême opposé. Qal يقولون العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق والعياذ بالله. Ils sont égarés et c'est l'opposé de l'Jahmiyya. Eux, ils ont dit, la personne, il fait ses amal. Il a une volonté. Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de volonté. A'oud billah. C'est toi qui khalaq ton amal. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de volonté sur ton amal. Ça, c'est ça, c'est sous adhan billah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est à la kulishin qadir. Wa ma tasha'ouna illa ayasha Allahu rabbul alamin. Ils ont voulu s'écarter de quoi l'Jahmiyya. Ils ont fait l'inverse. Mais nous, on dit là. On dit on n'est pas forcé, mais tout ce qu'on fait c'est sous la volonté d'Allah. Et c'est Allah qui a créé nos hommes. Alors, ils ont dit là. Parmi ces choses, il y a l'amal. Ils disent c'est la personne qui crée son amal. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de volonté في هذا. وقوله الله خلقكم وما تعملون. Ça c'est واضح. Il a cité ces deux versets sur Ibn Uthaymin pour montrer que toi t'es créé et tout ce que tu fais c'est créé. قال الثاني أن الله مالك السماوات والأرض فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه. على قول القدرية في هذا الملك il y a des choses c'est pas par la volonté d'Allah et il y a des choses c'est pas la créature d'Allah والعياذ بالله. C'est هؤلاء qui disent que le شر c'est pas Allah qui l'a créé. Ils disent que les mauvaises choses, c'est pas Allah qui les a créées. Ça veut dire qu'il y a un deuxième créateur. Ou plusieurs créateurs. Ça veut dire que dans le royaume d'Allah, il y a des choses qu'Allah il n'a pas voulu. Ou qu'Allah il n'a pas créé. Les deux qawls, les deux extrêmes, c'est de l'égarement. Et tout ça, bi'idnillah, retenez-vous ces points. Il y a beaucoup d'autres points, on les verra, inshallah, petit à petit. Amal an, antum, révisez ça. Et inshallah. يعني يكفي قال أقسام الإرادة والفرق بينهما أو بينها أقسام الإرادة والفرق بينها ça c'est un point important كذلك dans ce درس أن الله سبحانه وتعالى إلى صفة الإرادة إلى صفة الإرادة أي la volonté لكن la volonté elle se divise en deux c'est important ça tout le درس qu'on a fait قال شيخ ابن عثيمين إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية الله sa volonté elle se divise en deux. Kauniya, ça vient de l'kaun. Al-kaun, c'est connu, c'est l'univers. Wa shar'iyya, ça vient de shar', ayyid. Allah, il a les deux, kauniya, shar'iyya. Qala fa al-kauniya hiya allati bi ma'na al-mashi'a. Al-kauniya c'est bi ma'na al-mashi'a. Iradatun kauniya. Ay tout ce qui se passe, c'est par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Les bonnes choses et les mauvaises. Les deux. Ça c'est irada kauniya. قال الشيخ العثيمين رحمه الله كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أين الشاهد أين الشاهد من الآية pourquoi الشيخ العثيمين لا cite ce verset هنا الجواب فمن يريد الله أن يهديه الهداية c'est du bien c'est du bien c'est par la volonté d'Allah. Allah il a dit قال عز وجل ومن يريد أن يضله c'est du mal à الظلال c'est pas la volonté d'Allah. Al-Kawniya le bien ou le mal vous allez voir que Shar'iya c'est que le bien c'est pour ça qu'il a cité cette ayah. Il y en a cette ayah il y a le bien c'est la guidée et il y a l'égarement c'est le mal les deux c'est par la volonté d'Allah ça s'appelle Kawniya le bien et le mal c'est la volonté d'Allah. Comment Allah il a la volonté de quelque chose de mal il y a une hikmah on a dit Allah sa volonté que le haqir. لكن المال سبنيس بالي المخلوق اتفرك الحكمة قال والشرعية هي التي بمعنى المحبة لا دوزيام شرعية بمعنى المحبة أي سيسك الله لم فدون الفلونة الله سبحانه وتعالى يدي الشوز كالله لم الصلاة الحج التوحيد يدي الشوز الله لم لكن إلا قدر لحكمة سيسكونية شرعية قال كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم يريد أن يتوب التوبة c'est quelque chose de bien. Allah il veut cette chose. C'est une irada quoi? إرادة التوبة شرعية لأن الله لا أحسن. قال والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ويلزم وقوع. La différence c'est que la كونية si Allah il veut une chose كونا cette chose elle arrive. Et cette chose, Allah il l'aime pas forcément. Al-Shar'iyya, le contraire. Allah il l'aime, lakin cette chose elle n'arrive pas forcément. Maintenant, Allah il l'aime que les gens ils font tawba. Naam. Est-ce que tous les gens ils font tawba? Non. Inch'Allah, le prochain dars révisé, le prochain dars on continuera ce point avec un exemple. Et là on verra si vous avez compris, ou là on détaillera un peu plus. Il y en a l'an, al waqt dahab. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu. Hayyakumullah.